Avant de commencer la méditation d'aujourd'hui, prends quelques secondes pour penser aux effets que toutes ces méditations précédentes ont déjà eus sur toi. As-tu déjà observé une différence dans ta manière de penser, de ressentir, de respirer, ta manière de te comporter? Si ces quelques jours ont suffi pour changer ta manière d'être, imagine ce que plusieurs mois de méditation t'apporteraient. Comme d'habitude, éteins ton portable, vérifie que la batterie de ton ordinateur est pleine et puis éloigne-toi de ton écran. Aujourd'hui, si tu as une bougie, prends-la et allume-la devant toi. Sinon, prends un autre objet, par exemple une statuette dont tu pourras fixer un œil, ou un symbole que tu pourras regarder pendant toute la méditation. Si tu n'as pas d'objet à observer, tu peux simplement observer le mur en face de toi. Ce qui compte, c'est d'observer un point fixe pendant les 15 minutes de méditation. Pour observer le point que tu vas fixer, tu peux fermer les yeux à moitié. Garde toujours les paupières relâchées et détendues. Assieds-toi dans une position confortable, sur une chaise ou en demi-lotus ou en lotus. Garde le dos droit de manière à pouvoir maintenir cette position en restant immobile pendant toute la méditation. Maintiens bien droit le bas de ton dos, rentre légèrement le menton dans le cou. Ne penche ni trop à gauche ni trop à droite, ni trop en arrière ni trop en avant. Trouve l'équilibre. Aujourd'hui, tu vas poser tes deux mains sur tes genoux avec les paumes vers le ciel. Lors de toute cette méditation, nous allons maintenir cette position. Inspire profondément par le nez. Puis expire. Respire lentement. Profondément. Ressens ton ventre se gonfler quand tu inspires. Et se vider quand tu expires. Maintiens ton regard fixe sur le point que tu observes. Maintiens également toute ton attention sur ce point. Pense à ce point que tu regardes. Dès que ton regard se déplace, ramène-le rapidement. Ne juge pas ta concentration. Ce n'est pas grave de parfois se déconcentrer, ce qui compte, c'est de se recentrer. Quand tes pensées s'éloignent du point que tu regardes, ramène tes pensées aussi vers ce point. Garde les paupières relâchées. Maintiens ton corps relâché également. Maintiens une respiration calme et profonde. Regarde fixement cet objet, cette flamme, ces yeux, ce symbole, ce point que tu observes. Regarde-le fixement, mais aussi profondément. Essaye de pénétrer avec ton regard l'objet que tu observes. Imagine que tu deviens le regard que tu as vers cet objet. Imagine que tu n'es plus celui qui regarde, mais le regard vers cet objet, le lien entre toi et l'objet. Imagine que cet objet te regarde aussi. Imagine qu'à travers le regard que vous échangez, toi et l'objet ne formez plus qu'un. Imagine que tu es à la fois celui qui regarde et celui qui est regardé. Imagine que tu es cet objet que tu regardes. Imagine que tu es cette flamme, ou cette statuette, ce symbole ou ce point. Déplace ta conscience vers cet objet, à force de le regarder, à force d'être ce regard. Deviens cet objet. C'est la fin de cette méditation, tu peux maintenant continuer ta journée et ressentir les effets de cette méditation sur toi. Essayer de regarder les choses et les gens en imaginant que tu deviens eux, que tu prends leur place. Et ressentir ce que cela change dans ton rapport au monde et à toi-même. On se retrouve demain pour une 14e méditation. Passe une très bonne journée.